Je ne pourrais pas dire que c'est que du bluff. L'amour ça s'éteint à petit feu. Chemin se sépare, le cœur on répare. Espère que le temps fera ce qu'il peut. Du mal à prendre des décisions. Manque d'estime, affection. Ce qui rend aveugle c'est pas l'amour, c'est le fait que la personne veuille changer ta vision. Au fond je sais que je suis béni. J'attends que mon cœur se délivre. Pour oublier tous les mots qu'on s'est dit dans l'euphorie bloquée dans le déni. Je connais l'amour et ses dérives. Qui peuvent s'annoncer plus que terribles. Ils se quittent après s'être mis la bague sous les yeux des enfants qui veulent chérir. Tu m'as rien promis mais c'est tout comme. Je refais le monde c'est vrai tout colle. Tu veux pas te poser soi-disant. Mais je sais que t'es pas tout seul. Je t'ai dit toutes les choses que je ressentais. Parce que j'avais besoin que tout sorte. S'aimer je crois qu'on était censé. Mais je te haïrais dans la douceur. C'est toxique. Quand je souffre, je te le dis. Tu m'en parles, je sais pas ce que je vis. J'ai toujours mon petit doigt qui me dit qu'il y en a d'autres dans ta tête qui existent. Je suis ressorti de cette histoire, le cœur brisé comme pas permis. J'ai peut-être besoin d'aide car j'aime seulement tout ce qu'on m'interdit. Mais la lumière à quoi ça sert? Y'a que dans le noir que je suis sincère. C'est trop sombre, faut qu'on m'enferme. C'est trop sombre, faut qu'on m'enferme. J'éteins la lumière, j'ai pas le choix. Des ouais. histoires d'amour, ça me passera. Si ouais. demain t'agis comme Ghost, je te fais un blackout comme Tasha. J'ai mis mes traumas sur la table, ils mettent leurs traumas dans la cave. Ouais. 2 ans après, 3 ans après, ça pétale de la course en là-bas. Il m'a dignité, vaut beaucoup plus que tout. Je me le mets dans la tête obligé. J'suis une badise comme Shirin David, je me déplace pas même invité. Tu me vois pas là, on s'est trop calme. Congolaise, moi j'aime quand c'est risqué. Tu me mens quand tu me demandes qui c'est troublant, je vais la remettre sans tricher. Je peux pas gâcher mes chances. Faut faire bien plus de bif, vu ce qu'on dépense. J'peux pas gâcher mes chances. À skip, j'suis faite pour ça. Puis la naissance, j'en mets des vitesses, Usain Bolt. Bébé, tu rappes mal comme tes potes. Aucun dossier droit dans mes bottes. Beaucoup trop fraîche, froide comme un Glock. Il te parle d'amour, il te parle cru. Sans connaître le prix de la dot. Tous ceux qui te dépièrent, ceux qui le tuent. C'est quand ils voient que j'ai trop la cote. T'aimes trop faire le mec de Tessie. Quand tu tiens, on te demande t'es qui. Je les graille tous, j'ai perdu l'appétit. J'suis la bosse en même temps la pépite. J'aime pas les potos indécis. Je les fais danser plus que dans Stepin. Charismatique comme une dark skin qui flanque tous les bouts du casting. Tu veux pas gâcher mes chances. Faut faire bien plus de bif, vu ce qu'on dépense. J'peux pas gâcher mes chances. À skip, j'suis faite pour ça. Puis la naissance, c'est plus que j'suis née.